Guingamp. En avant, marche. Tu m'as mis mon micro. Oui, quoi, oui, il est rouge sous ton, sous ton pull. Il est rouge. Bonsoir à toutes et à tous. Et oui, vous êtes bien à l'écoute du Pyongyang City Rockers. Bravo, numéro 284. Bon courage. Nous sommes le. Bah, on va tout faire. Nous sommes le 8 mars 2023. Oui, oui, vous n'avez pas sauté de tranche temporelle, j'en sais rien. Fait moche. Il fait moche. Il a neigé ce matin, mais ça ne tient pas. C'est l'éphéméride de c'est Pyongyang City Rockers. Il faut qu'il neige au moins une fois dans l'année parce que ça, c'est, ça rattrape une partie des récoltes perdues. Exactement. Que, exactement. Mon jardin. Non, te dis merci, la neige. Aujourd'hui, on est qu'à trois. Il n'y a que Jérém, Audrey et votre serviteur. Enfin, sans contrepétri. Serviteur, hein, ouais. Les autres, ils sont partis ailleurs, nulle part, partout. Et même. Vers l'infini et l'au-delà, dans surtout. Une autre galaxie. Pour l'instant, et puisqu'il est question de grève, d'occupation, de reconductibilité et de machin, il y en a qui s'intéressent aux droits des chômeurs. Il faut absolument un droit de grève pour les chômeurs. Donc, ça. Maintenant, je voulais commencer par cette petite séance de nihilisme pataphysique et sine qua non bien débile. Pataphysique, et donc bien. Ça me fait penser à patafix et patagonie, voilà, et alors le mélange voilà. Des deux. Et peut-être, peut-être qu'ils prennent de la patafix dans le nez. Et c'est Poésie Zéro qui nous raconte un droit de grève pour les chômeurs. Et en plus, c'est en plein dans l'actualité, donc on y va. Tu l'as mis, Poésie Zéro hein. Vas-y, s'il te plaît. Vas-y, hein. Jérémy, Poésie Zéro, ouais. Niveau qui a fait un remix techno qui est vachement cool. Il râle. Poésie Zéro, c'est des râleurs aussi. Ils râlent aussi quand ils écrivent les noms de leurs morceaux. Ils les mettent en majuscules et puis des fois il y a des caractères accentués. On crie, on l'écrit. Au lieu d'un E accent grave. On le met en aigu ou alors on rajoute Au lieu d'un E accent grave majuscule, il y a un 7. Parce que ils ont tapé vite, tu sais. On n'est pas content, voilà. on est coléreux. C'est l'informatisation de la société, c'est quelque chose. Hein, tu sais, on veut tout s'y poser, là. Tu vois, il y a Célio qui vient d'arriver. Bonjour Célio, ça va? Bonjour. Non, il t'a pas encore mis ton micro. Bonsoir. Parce que t'es puni. T'as pas été sage, du coup. Ailleurs, on fait 10 pompes quand on arrive en retard. Ici, bah, tu vas faire 10 minutes sans micro. Allez. Même quand t'es à l'heure, le micro 7 n'est jamais ouvert, en fait. Je vous le dis, si vous êtes invité à PCR, ne venez pas au micro 7. Il est plombé. Bon, il est en grève. Et toi, t'as des trucs à raconter? Moi, j'ai plein de trucs à raconter. J'ai ramené plein de trucs. Je sais même pas trop par quoi commencer. Ah si, tiens, je vais parler de TV Repairman. Alors, TV Repairman, c'est une excellente découverte, alors qui date de il y a 15 jours maintenant. Les réparateurs de télé. Ouais. Et donc le Zig, il nous gratifie d'un fucking garage punk à la croisée des chemins entre le garage power pop de Ty Segall qui est venu à Lille la semaine dernière et le garage punk de Jerry Tard. Ouais, j'y suis pas allé. Moi aussi, je trouve ça un peu moudufion. Ouais. Mais du coup, mélanger Ty Segall et Jerry Tard, du coup, c'est vachement plus énergétique. Je m'excite sur la chaise, pardon pour le bruit. Donc je désespérais que plus personne ne fasse un peu ce son sympatoche que j'aime bien. La jungle des micros. C'est parce que c'est moins à la mode, c'est pour ça. Ouais. Bah ouais, c'est ça, ça vend moins, toujours. Bah même quand c'était à la mode, j'en avais rien à foutre, quoi. Enfin, ouais, mais en même temps, il y a des trucs que je te passe qui sont ni à la mode ou à la mode et que t'aimes bien, tu vois. Mais après, bon, tu râles. Parce que après, je vais te passer du trash vietnamien, donc fais attention. Après, moi, je vais te passer du plombé russe, ça va être génial, j'ai pensé tellement à toi pour ce moment. Ah putain, ça va être joyeux ça. Ouais, de ouf. Mais j'ai des trucs. T'as des trucs, Jérém. Bah. J'ai, comme d'hab, j'ai un problème technique. Hein, très bien. J'ai ma clé USB qui ne marche plus. Mais non voilà. C'est qui a le problème technique, c'est le technicien. C'est pour ça que je suis plus à la table, en fait. C'est ça. Mais voilà. Du coup, oui, je pourrais proposer de bon, la alors, musique, effectivement. Jay Segal. Comme par exemple. Ayant chanté tout l'été. Taille retard. Hein, ta gueule en retard. Et du coup. Et donc, qu'est-ce qu'ils font les Reparman hein? Alors du coup, eh ben, ils font des trucs chouettes, ils font des patterns, c'est le morceau du morceau. Bah tu vois, c'est joyeux, c'est resplendissant, il y a des couleurs, c'est pattern. C'est ça, c'est ouais, exactement ça. Okay. Et donc leur son, il ressemble un petit peu à ce qu'on faisait dans les années 2000 dans le Garage California, vous voyez. Et parfois ça fait un peu penser, je sais pas si vous connaissez Urban Junior, non. Le mec non. De... l'écurie Voodoo Rhythm qui est tout seul un allemand qui chante en allemand et t'as pas trop l'impression de te faire engueuler. C'est quand même super rare. C'est une espèce d'autrichien parce que je vais pas ouais, je joue pas allemand après je sais plus s'il est enfin je vérifie s'il est autrichien ou allemand. C'est pas un prussien en tout cas, parce que les prussiens, même quand ils te disent des mots d'amour. T'es là, tu fais la marche de l'empereur, je suis droite. Aïe, je suis trop droite. Oui. Bon, allez, on va arrêter là. Donc, du coup, ce petit père avec plein de références qui me dit qu'ils sont quand même chouettes, hein. Le sens du détail, du chipotage et tout ça. Deux albums, deux EP en 2 ans. Il est australien, j'ai oublié de le dire ça. J'ai plusieurs trucs australiens cette semaine. Alors, du coup, TV Repairman, c'est un one-man band du coup. Ouais, il est seul tout. Ok. Il s'appelle quand même TV Repairman. Ouais. Man. Ah oui. Ah, c'est le répar. Ah oui. Repairman. Voilà. Et donc, du coup, avec ses outils à musique, il résout les problèmes qui étaient cassés. Puis maintenant, ça n'est plus cassé. On n'écouterait pas son petit pattern. Allez, Jérémy, Père Castor, mets-nous de la musique. Morceaux. Ça y a là, trois morceaux. Ouais. Bah, c'était pas. C'est... Ouais, mais ils sont jamais. Si, il y en a un de 2 minutes 46, je me suis dit, wouh, c'est un des plus longs que j'ai dû passer, je qu'est-ce pense. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi c'est du... Elle rentre dans l'expérimental matroc. C'est non, du... même non, pas. Non, c'est du power violence psychédélique. Non. Je sais pas, tu veux les passer maintenant ou après? Non, je vais passer un autre groupe avant. S'il te plaît. Ça s'appelle Il. Oui. C'est un groupe allemand de fastcore, ils viennent de Münster. Ils ont joué au Pils en fait la semaine dernière et ça a mis une claque à tout le monde. Vraiment genre ça a surpris tout le monde, ils étaient vraiment enfin c'était leur première date de tournée. C'était vendredi ça. C'était vendredi dernier ouais. Et ouais, ils étaient au taquet. Ils ont déjà fait, ils ont déjà sorti 2 albums et 2 splits. Et du coup, là, le morceau que je vais passer, il s'appelle, désolé pour mon allemand, Selberschuld. C'est un morceau qui est... Sûrement. C'est un morceau... C'est pas toi qui vient de l'Est de la France? Non, j'ai vécu là-bas, mais je viens pas de là-bas. Je suis un bâtard, moi. Ah, de ouf, moi je ne dis rien. Je suis une bastarde. Je m'attendais, j'ai même eu un temps d'arrêt, genre, il a osé, vous voyez cette fléchette, boule, boule. Du coup, le... Tu t'attaques à son côté lorrain alsacien, là. Je suis pas là-bas. Il faut jamais mélanger les lorrains et les alsaciens. Putain, c'est clair. Tu leur fais ça. Je rappelle, il n'y a pas de fromage dans la Wish Lorraine. Déjà, rien que les lorrains entre eux, ils s'aiment pas tous. Ah oui, entre les Vosgiens et les Meusiens. C'est ça. Enfin, pas les Meusiens d'ailleurs, mais si, quand les même. Les Mosellans, tous. Les Mosellans, ouais. On est d'accord. Ils s'y connaissent, quand même. Et les Mosellans, c'est un peu les Allemands de la Lorraine. C'est ça. M'a-t-on dit. C'est exactement quand j'allais ça. Du côté de Metz et de Thionville. Donc ouais. On dit bien que vous n'aurez pas l'Alsace et les Mosellans. Oui. Ouais, c'est ça. Bon, ils. Oui. C'est des Alsaciens. Non, c'est des Allemands. Ah, bah, c'est pareil. Ouais, moi, je suis perdu. J'ai bien suivi. Ils viennent déjà, de Münster, en Allemagne. C'est ça. Du coup, le morceau, il vient de la compile qui s'appelle Sex Min Bekannten. Ça veut dire du sexe avec des connaissances. C'est mieux. Ouais. C'est toujours plus intéressant. C'est ça. Et c'est une compine du label Spastic Fantastic. Ah oui. Oui. Ça a l'air bien, dito. J'ai loupé ça. Scheiße. Bah, elle est sortie au mois de février, donc elle n'est pas très vieille, mais il y a 50 morceaux dessus et il y a plein de trucs bien. Voilà. Et elle dure 50 minutes. Normal. Ouais, un petit peu plus, quasiment. Mais quasiment. 50, et 54. Du coup, il, ça s'écrit comment? Parce que bon, ça s'écrit. On pourrait s'écrire de plein de façons différentes. Deux L. Avec un point d'exclamation. Malade. Malade. Comme ça. Comme le groupe d'Amsterdam. Malade. Comme ça. Malade. Voilà. Du coup, ils sont un petit peu malades. Et d'ailleurs, ça me fait penser que mon petit tote bag, il vient de Moselle. Bon. Eh ben, on parlera chiffon pendant qu'on passe Hill, qui dure facilement... 1 minute 01. Bah, ça va. Oh, c'est suffisant pour parler chiffonnette. Oui. Allez, c'est parti. Là, tu perds les chiffons. Alors, taisez-vous, mais enfin, quoi, on est à l'antenne là. Le retour de l'ASMR. Non, le groupe de, groupe de vendredi, c'est LMDA, pas ASMR. Ah oui, ouais, bah, voilà. N'a pas à confondre avec la LMDE ou la MDMA. Ça veut dire quoi, LMDA? Je sais plus. Le mal des Ardents. Le mal des Ah oui, mais voilà. Wow, en plus, le mal des Ardennes. Ils le disent dans leur quand ils font leur interview sur colloquium.fr. J'ai pas écouté celle-ci. Putain, je m'autoflagelle. Et bah, tu vas écouter le podcast. Il est retrouvable sur pyongyangstyrecords.wordpress.com. Youpi, c'est l'émission de la semaine dernière. Du monde après shpeng.com. Vas-y, Joe. Moi, je vous propose d'écouter ce qui va se passer demain soir au CCL. Il y aura 4 groupes. C'est une organisation anti-corps chaud. Hein, ouais. Du coup, ça va être un peu bagarre. Bagarre. Non, toujours bagarre. Mais avec un bon esprit. Comme on dit. Du coup, de mémoire, il y a Falls qui joue, Gutter. Il y a un troisième groupe dont je ne me souviens plus le nom. Et il y a un groupe de Bordeaux qui s'appelle. Regarder sur le meilleur site de la Bombardement. Qui viennent de Bordeaux. On ne pas confondre avec Bombardier qui viennent également. Enfin, qui venaient avant de Bordeaux. Maintenant, ils viennent de plus. Est-ce qu'il y a aussi Bombardé alors? Enfin, alors moi je bombarde, mais dans certaines situations. T'as bombardement et puis t'as bombardé. Voilà, c'est bah, oui. Je sais pas. Hein. La dernière fois qu'on t'a dit ça. Gutter et Emers. Voilà, et les Anversois, ça. Gant. Bon. Oh, alors Gant et Anvers, c'est comme les Alsaciens et les Lorrains. C'est faux. Ah ouais. Alors, pas d'amour. Pas d'amour. Un concert prix libre en tous les cas aux 4 rues de Colmar. Je vous propose donc d'écouter Mille Morts, le groupe de Dibit, Bombardement. Joyeux. Ça marche mieux. Surtout les téléphones, voilà, et les c'était ordinateurs. C'était Bombardement avec leur morceau ouais. Mille Morts. C'est bien, rendez-vous ça, bombarde, demain soir au 4 rue de Colmar au CCL dès 20h. Bravo. Ce sera prix libre pour 4 groupes. Voici une petite nouveauté un peu en avance sur sa sortie, prévue le 25 mars prochain. Il s'agit de Clem de Choice, un de nos groupes chouchous. Comme nos auditrices et heures habituelles peuvent en témoigner. D'ailleurs, les excellents Mawashiskin les ont fait passer début février au bout de nos rêves. Ils reviennent maintenant avec un joli single sur Une Vie pour Rien, comme d'hab. Enfin non, vu que c'est un des meilleurs labels français actuels. Deux chansons que, perso, je trouve un peu plus punk que d'habitude, mais en gardant la grosse base Boverglam rock qui fait leur succès. Hein, c'est vrai. Bah non, bah attends, succès. Oui. Dis Clem Choice, dis succès. Dis succès, non, c'était l'accent qui m'a fait rire, pas ce que tu disais. Qu'on se méprenne pas, s'il vous plaise. Je m'en fous, j'ai l'accent du Nord. Les titres et les paroles, eux, sont en français, ce qui est aussi quelque peu inhabituel par rapport aux prods précédentes de nos Lyonnais. Voici un extrait tout de suite, la face A, c'est un single, titré Conséquences, qu'ils assument les conséquences, un jour tombera la sentence, manipuler la vérité, brutal prix à payer. C'est peut-être un petit message à l'attention de nos subtils dirigeants, donc c'est forcément aussi d'actualité, comme tout, plus ou moins ce que je vais passer ce soir. Clem Choice avec Conséquences. Let's go. c'est des esthètes. Ouais. C'est bien, Clem Choice. C'est très bien, Clem Choice. Ah ouais. Vous écoutez Pyongyang City Rockers, numéro 284, vous êtes bien sur Campus 106,6, DAB+, campusline.com, et Chuchmeroup, et... et tout chaud. Voilà. Tout est dit. Audrey, un bon programme. C'est à toi. Ah, d'accord. T'avais plein de trucs à dire. Ouais, moi j'avais envie de vous parler d'un petit groupe irlandais. Je pensais que Jamie serait là, donc c'était un peu le petit clin d'œil. Mais il n'est pas là, c'est pas grave. On parlera quand même de Blood and Whiskey, donc groupe de punk celtique formé en 93. Et le groupe dit avoir une grosse influence des Clash, des Pogues et Shane McGowan. Et effectivement, ils sont assez objectifs sur le carrément. Truc. T'en as déjà passé, non? Voilà. Non, jamais. Non, jamais. Non, jamais, jamais. C'est pas moi. Des débuts difficiles avec le public irlandais à cause de leur musique non traditionnelle. Alors pourtant, il y a du flûteau, du banjo, du machin. Bon. C'est trop punk. Je pense qu'à l'époque, c'était trop punk pour les. Je pense que quand ça dérive un peu trop, les Irlandais. Ah ouais. Ils sont un peu bouseux aussi, les Irlandais. Ah, ils sont pécores de ouf. Enfin, à part au nord. Ouais. Mais Il y avait les corons, pardon. Ah si, c'est vrai, il y a des corons au nord, en Irlande du Nord. Oui. Oui. Et donc, du coup, moi, je pense que les Irlandais de cette époque-là, ils aimaient pas le punk. Et voilà. Et par contre, ils aimaient bien le whisky. Ouais. Oui. Et oui. Et oui. Et le sang aussi. Et oui. Et il fallait choisir le sang ou le whisky. Bravo. Du coup, pour moi, par rapport à ce groupe, il y a le premier très, très, très, très excellent album. Ouais. Qui vaut le coup vraiment, sorti donc l'album éponyme sorti en 96, et le second qui est très très très excellent aussi, No Time to Explain, dont le morceau qu'on passera est extrait. Le chanteur se casse en 2003, je crois, et j'avais cru entendre que c'est parce qu'il était mort, mais j'ai jamais retrouvé l'info, donc on dira qu'il est parti. Voilà, c'est juste, il est parti. Ensuite, le guitariste a repris le flambeau. Et là, à partir de ce moment-là, tu peux arrêter d'écouter. Ça sert, c'est bien, mais je trouve que le groupe a perdu quand même une partie de son âme à ce moment-là. Il y avait quand même un grain de voix un peu spécial, tu vois, et puis une espèce de dame écorchée, tu vois, que Barney Murray sortait. Ouais, c'est facile, hein. Ils font tous ça. Pas tous, parce que du coup, le guitariste, il fait pas ça. Donc pour moi, Blood and Whiskey, c'est les deux premiers albums. Et ensuite, je pense qu'ils auraient pu changer de nom, tu vois, continuer à faire de la musique, mais changer de nom de groupe, parce que pour moi, c'est plus Blood and Whiskey. Et donc là, j'avais envie de vous passer le morceau Follow Me Up to Carlo. Mm-hmm. Voilà. Qui est donc. Très belle petite bourgade. Oui. C'est Carlo, c'est. C'est pas dans Bob l'éponge? Carlo, sur le pote de plancton. Ouais, est-ce qu'on écouterait pas le morceau sur ces belles paroles? Je vous propose d'écouter la musique. Voilà, sans crabe croustillant. Avec Blood or Whisky et Follow Me Too. Salut les Krusty Krab. Les Krusty Krab. McKay, your ogre, your face, your brood, nobody old disgrace, the Black Fitzwilliam stoned your place and sent you to the ferns. Grace said victory was sure, soon the firebrand he'd secure, until he met a Glen Mallure, a fair McHugh or born. Course and swear, Lord, you're there, fear for new and fear for there, now Fitzwilliam, have a care, fallen is your sparrow, up with Halmer, now with sword, out we go for quite a long, fear McHugh has given a word, follow me up to Carlo. There, fair, Nous avons dansé une gigue gigoteuse dans le studio, c'était fort drôle. On dit endiablé, n'est-ce pas? Ah oui. Eh oui. Bon, mais je me suis pas encore transformé en... En Carlo. En lutin. Carlo, en Carlo. Ouais, bon. Eh, la Saint-Patrick, c'est bientôt. J'anticipe, mon Dieu. Bon, Patrick, tu nous présentes quoi? Alors, je vais vous mettre un morceau de Étienne Daoï. Ah, voilà, quelqu'un de sérieux, enfin. qui est aussi sur la compile de Spastic Fantastique. Aujourd'hui, j'ai fait un thème. C'est bien. Il s'appelle Blue comme toi. Étienne Daoï, c'est un projet de Tommy la menace, aka Tom Barnarel, de tournée en Belgique. Aka Mister Death by Coffee et plein d'autres sous-produits qui ne sont pas des sous-produits mais sous-marques du genre machin. Non, je me suis mal exprimé, mais enfin, il a plein de cordes à son arc, voilà. Il fait plein des belles choses. Pardon, Tom. Il joue de l'art, alors. Non. Allez. Et donc c'est une reprise Oi de Étienne Daoï. Oui. D'où le nom. C'est bien, il y a de l'œil ce soir, hein, bravo. Ouais. Gaël n'étant pas là. J'en aurai la semaine prochaine et je suis pas sûr qu'ils connaissent le groupe. Ah, bim. Ouais. Je surprise. On ne sait pas, on ne sait pas. Et c'est bien fait. Bah, on va l'écouter. Bah, on va l'écouter. Ouais. Merci, madame. Et ça date de quand? Il est sorti en 2021, mais du coup, là, il a été ressorti sur la compile. Je suis d'ailleurs, mais où est-ce d'ailleurs? On me trouve parfois là où je voulais. ben, personne ne s'en souvient. J'étais bien, So. J'étais cool. C'était bien. C'était Tommy La Menace qui chante avec Mika de Jodie Foster. Et le titre s'appelait 2050 A Funeral. C'est souhait. Ah oui. C'est pas moi qui l'avais passé, ça. Non, c'était Gaël. C'est Gaël, hein. Gaël l'a déjà passé, mais c'était il y a 2 ans. Alors, je me suis dit une petite piqûre de rappel. Tu l'aurais pas dit ou on s'en souvenait pas? Moi, je l'aurais même. Je le savais même pas. Non. Ben oui. C'était pas encore dans le C'était pas que tu étais dans les larmes. J'y vais, là. Plombons. Maintenant, nous arrivons. Il est 35. C'est le moment de plomber l'ambiance. Si, comme moi, vous avez raté le concert de Little Reg le 25 février dernier au Pit, c'est bien. Tout d'abord, vous avez honte. J'ai honte. Ensuite, vous n'avez plus qu'à attendre la sortie de leur. Vous n'avez plus qu'à attendre la sortie de leur EP, car il y a plus de 2 titres. EP qui s'appelle, qui est titré Hexan, ça veut dire sorcière en suédois. La sortie est prévue ce mois-ci. Ouais, faut pas dire Hexan, faut dire Hexan. Donc il y a déjà 2 titres sur les 4 qui ont été révélés sur leur Bandcamp, lidlredge.bandcamp.com. C'est toujours un post-punk sombre, lourd, puissant, qui éclaire la voix de Sandra pendant que son asploc martyrise la batterie. Boum. Ouais, je fais ça bien. Je pourrais presque écrire dans Illico, mais je le ferai pas. Ça va, Philippe. Voici donc voici donc le titre Channeling par Lily de Dolores. Moi, je vois le titre qui est en voici donc qui marche, oui, là, comme ça. Et voici donc. Je voici donc. Oh, Dans le rage. Ça fait, bah ouais. On l'avait eu en invité il y a super longtemps quand on faisait encore l'émission avec Wolf en 2017. Ouais, chez Tobias. Je me souviens bien. Et on avait bien rigolé. Voilà. Youpi. Allez. Ouais, je voudrais vous prévenir qu'il y a une bonne soirée. Préviens-nous. Tout à l'heure, on a parlé de la Saint-Patrick. Bah, c'est quand, Audrey ? Le 17 mars. Exactement. Du coup, vendredi 17 mars, il y a une soirée Saint-Patrick au CCL, bien sûr, avec du punk frais. Oui, mais alors, il y a aussi d'autres choses. Le 17 mars, il y a un super DJ set avec votre servitrice et Ben Beng, qui d'ailleurs devait être là ce soir. Où es-tu ? C'est début de soirée, vous ? Ah non. Il a peur de la pluie. Je pense qu'on pourra. Je pense que vous pouvez faire les deux. Entre la griffe. Vous jouez à la griffe ? On joue à la griffe. Attends, je suis bon. Ouais. C'est pas loin. On a eu peur. Ouais. Pourquoi il me regarde bizarre? Bah oui, c'est la griffe. Bon, j'ai pas vérifié. C'est l'inspiration. C'est le savoir, oui. Tu sais tout. Voilà. En tous les cas, entre le CCL et la griffe, il n'y a pas long. Du coup, il y aura peut-être moyen de faire les deux soirées. Oui. La soirée punk free et la soirée. Quelle est, Tom? Punk irlandais lo-fi, du coup. Ouais, et nous, on va être sur du rock'n'roll, du la soul, du garage, du punk, du plein de trucs. Du heavy metal. Bah, sûrement. C'est possible aussi, on peut le faire. À un moment, tu balances un petit truc de trust, et ben ça marche toujours. C'est vrai. Bah ouais. Et après, tu enchaînes avec la collégiala. C'est toujours la bonne transition. Oui. Oh, et collégiala, j'ai déjà fait, ça marche à chaque fois. Ça génère des monstres. Là-haut, il y a un petit côté collégiala comme ça. Tu sais, complètement. Ça s'appelle la grégarité. Je vous conseille que si vous voulez voir des soirées, des concerts, n'hésitez pas à suivre spunk.org pour excellent toutes les bonnes nouveautés. Avec une bande passante de qualité. depuis qu'on a fait le ménage, je peux te le dire. Ça marche vachement mieux. En tous les cas, le 17 mars au CCL, on pourra voir Litovsk, Ainin. Hainain. H-I-N-I-N. Ça, je suis dingue de pas aller voir. Hainichnel, on ne sait pas. Si. Je ne sais pas trop si c'est un hommage ou quelque chose comme ça. Peut-être pas. Thibaut, il dit Ina. Il y en a plein qui disent Ina. Ina. Il y aura aussi les Lillois de Chiaroscuro et les Lilloises de Peur Bleue. Bien Peur Bleue, j'adore. Exactement. Ouais. Très bien. Et je vous propose donc d'écouter un morceau de Chiaroscuro et un morceau de Ina. Ina. Ina bien fait ça. Sous silence de Chiaroscuro, suivi de feu de paille de Ina. Ina. Allez, tout de suite sur les ondes de Radio Campus. We'll be right back. Mais ça va très bien. Il me colle. Mais c'est très très bien. Vous venez d'écouter Feu de paille de Heinen. Et en fait, en concert le vendredi 17 mars. Ouais, je suis un raf. Et il y aura aussi Audrey, si vous voulez la voir mixer au patine à la griffe le 17 mars. Il reste 10 minutes là, les gars. Voilà. Voilà, voilà. C'est à mon tour, du c'est coup. C'est qui envoie. Allez, ah oui, j'envoie. Oui, bah, c'est celle qui. Moi, je vais vous envoyer un truc vachement joyeux. Ça s'appelle Outra. Ça veut dire matin en russe. Et le morceau s'appelle Poetka, qui veut dire torture. Avant la mort par décapitation. Une petite toujours torture aussi le matin. Joyeux. Et franchement, voilà. Rentel. Et alors, j'avais déjà passé un titre de mes débuts dans PCR. Et Outra, c'est le side project des Russes de Motorama. Et oui. Et si Motorama, c'est un peu, enfin, c'est pas non plus youpi la fête, hein, faut pas déconner. Mais avec Outra, on glisse vraiment dans le versant noir, dépressif. Beaucoup c'est plus. C'est ce qu'il faut écouter le matin en buvant son café, quoi. Non, alors, je vous le conseille vraiment pas si vous êtes pas bien. Franchement, je vous conseille pas du tout ce groupe si vous êtes dans le mal. Bref, c'est de la musique de Doomer. Ah non, je dirais que c'est vachement plus dépressif encore. Ah. Enfin, c'est dans un autre genre. On va dire c'est le Doom pour les punks, tu vois. Et donc non, plus expérimental. Doom, les Doomers, c'est pas du Doom. Ah ouais, c'est vrai. À chaque fois, je vais revenir avec des à chaque fois, je fais la bon, la maison. On passe de la musique ou on parle de l'encyclopédie là. Bon allez, approche minimaliste outre. Elle croit, elle sait pas. Poutka. Allez, tout de suite, sortez vos musettes, c'est parti. Ouais. Poutka, allez voir un comptatoire de Poutka. Violon de Michel qui avec a été pris à crème. 6 minutes à peine, mon c'est Dieu. Le moment de passer au trash vietnamien, comme je vous avais promis au début de cette émission. Voici des spécialistes des concerts déguisés en Pikachu, c'est vrai. Ouais. C'est des trashers, hein. ils se prennent pas au sérieux. Faut ils prennent de pas non plus des images leur public mentales, au sérieux. Hein, des fois, ils se déguisé en d'autres trucs, mais moi bon, je t'imagine en Pikachu, mais c'est du vernaculaire vietnamien. Voici donc les enfants de la maison du peuple, en vietnamien ça se dit Konan Gonta. T'as vérifié les accents? Oui, oui, bien sûr. Oui. Et alors le vietnamien c'est fou, ils mettent des accents sur toutes les voyelles et des fois même sur les consonnes. Le nom du groupe c'est Kutlon, ça veut dire putain de merde. En gros, hein, voilà, les voici donc 2,54 de pur bonheur trashesque. Et on a le générique de des chiffres. Quand même à Kutlon, j'arrive presque à le dire avec l'accent. Il est beau ton accent, gringo. Oui. C'est la fin déjà, il va être l'heure de rendre l'antenne, même de la vomir. Dans quelques minutes, retrouver JD avec Schmil, Teeth Grinder, qu'est-ce qu'il va encore nous balancer? Des trucs hyper bien. Métal. Ça sera peut-être une interview de la Fédération des musiques métalliques que je vous ferai peut-être la semaine prochaine. Pour l'instant, pour avoir plus de... Ah ouais, là, c'est Riot Bass qui démarre avec tout cramé. Pour plus de Zizik Improba, vous pourrez trouver demain 3 cordes à un cerveau à partir de 21h. Rien n'a encore changé. C'est chaque lundi à 20h. Et puis mardi prochain à midi, il y aura I Smell a Rat avec le beau Eric. Pour l'instant, on vous dit... Il y a un petit live à Campus aussi vendredi, on l'a pas 24, dit. Le 24. Tyson Boogie. Oui. Mais je parlais de Poncharello. Oui, le Poncharello, ce vendredi. Ici. Ouais. Ouais, c'est vrai, il y a Poncharello en live. Oui. Ici sur Campus, et puis là-bas, sur les ondes et tout le bordel. Et tout partout. Ensuite, on se quitte pour le numéro 185, ça sera la semaine prochaine. Et pour l'instant, on n'oublie pas. À cab et dans ton corps. Et bonne grève hein, tout le monde. Oui. Bonne manif. Pour Bacarle.